C'était l'Assemblée générale du club de golf de Beaumont-Sassigny dimanche et le club de golf a annoncé une perte de 13 000 $ sur un budget de 365 000. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com ce matin, Raymond Lavoie a expliqué évidemment que la mauvaise température a fait en sorte que ça l'explique ce déficit. Mauvaise température, puis on a eu 14 membres de moins aussi cette année, en plus que la fondation de l'hôpital qui revenait toutes les années, ben cette année n'est pas revenue et ne reviennent plus. Ils n'ont plus besoin de faire de tournois bénéfices pour la fondation. Ça fait que c'est sûr, c'est toutes des petites choses qui font qu'au bout du compte, ben c'est des scènes qui manquent à quelque part. On l'a annoncé qu'il ne sera pas de retour et il a quand même apprécié son expérience de 2 ans au club de golf de Beaumont-Sassigny comme président. C'est une très belle expérience. Ouais. C'est une très belle expérience. Je suis très content du mandat que j'ai fait. Écoutez, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait du mandat que j'ai fait, puis je suis très content de ce qui s'est passé en général. Parlons maintenant de hockey. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, l'attaquant des élites de Jonquière, natif de Saint-Félicien, Charles Tremblay, évidemment, est revenu sur la conquête des élites de Jonquière. On sait que les élites de Jonquière ont remporté le Challenge Midget 3 au cours du week-end. C'est un tournoi qui regroupe des équipes, toutes les équipes du Midget 3, également des équipes de l'Ontario et des États-Unis. Et pour Charles Tremblay, ben, la différence, c'est que du côté des élites en fin de semaine, c'est qu'il y avait un esprit de groupe dans cette formation-là. Je pense, là, selon ma vision des choses, c'est que ce qui a fait la différence comparativement aux autres équipes, probablement, c'est qu'on était 20. Les 20 joueurs, honnêtement, là, ils ont sacrifié, là, ils sont tous sacrifiés un par un pour l'équipe. Écoute, t'aurais vu ça, Danny, on bloquait des lancers, là, ça n'avait aucun bon sens. Nos gardiens de but, justement, ont été sur la coche, là, ils ont fait une job exceptionnelle. Puis, on était vraiment là, on a oublié la fatigue, on a tout oublié, tu sais, puisque, au fur et à mesure que le tournoi avance, mettons, à la fin, on a joué 6 games en 4 jours, je pense. Des games que 3, c'est long, c'est un niveau du relevé, contact physique, tout. Fait que c'est vraiment de s'oublier là-dedans, puis vraiment penser juste à l'équipe, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné le challenge. OK. Dis-moi si on parle de deuxième temps, Charles Tremblay explique que ça pourrait donner un momentum à l'équipe pour les prochaines séries éliminatoires. Côté, tu deviens vraiment une équipe. Tu deviens comme, si tu vis avec tes coéquipiers 7 jours de temps. Fait que là, veux pas les liens, c'est encore plus. Puis, en gagnant ce challenge-là, comme tu le dis, le niveau de confiance est assez relevé dans l'équipe, puis on est prêt pour la suite des choses. Puis, comme notre entraîneur nous l'avait dit, lui, déjà, j'ai gagné des séries universitaires, si je me trompe pas. Il avait dit, quand t'es un champion, tu écoutes une fois, ben, tu veux encore écouter, puis tu veux jamais arrêter. Puis c'est ça que ça a fait. On a comme eu la piqûre, puis on veut jamais arrêter. Fait que là, les séries vont être vraiment importantes, puis on les veut. Charles Tremblay a rencontré Daniel Neptune au cours des derniers jours. Daniel Neptune, qui est un bénévole de longue date chez les élites de Jonquière, et semble-t-il que ce serait la plus grosse victoire de l'histoire d'une équipe Midget 3 à Jonquière, depuis les élites et les cascades, explique Charles Tremblay. Daniel Neptune, ça fait 15 ans qu'il est à son poste. Ouais. Ça fait 15 ans qu'il est là, puis qu'il est de son poste de là. Puis il dit, ça fait 15 ans que j'attends ce moment-là, puis gagner quelque chose avec cette organisation-là. C'est l'année passée, ils ont passé les proches, ils sont allés en finale. Mais tu sais, ils n'ont pas encore gagné. Cette année, on a gagné le tournoi. Tu sais, ça, c'est pour l'organisation, ceux qui ont dit, je pense que c'est vraiment la plus grosse victoire de l'organisation. En tout cas, depuis longtemps, si jamais ils ont déjà gagné le challenge. Puis écoute, non, même pas. Le challenge, ça fait 12 ans qu'il existe, ça veut dire que c'est la plus grosse victoire de l'organisation tactile, oui. T'as raison, Dani. Rick Curling, maintenant, la formation de Zachary Gagnon a bien fait au cours du week-end. Ils se sont inclinés en finale lors d'un tournoi qui avait lieu en fin de semaine. Ils ont perdu contre la formation de Lennoxville. En demi-finale, ils avaient battu Amos et ils avaient remporté 3 victoires contre Buckingham, Sorel et Kenogami. Au Super Cashfield qui se déroulait à Port-Alfred au cours du week-end, au club de curling Port-Alfred, la formation de Jean-François Charret et Alexandre Ferland de Kenogami a défait l'équipe de Daniel Bolduc de Robertval en finale du A. En finale du B, l'équipe d'Alain Bassard de Kenogami a défait celle de Jacques Taillon. Et en finale du C, Emilia Gagné du club Riverbend de Robertval et de Beaumont-Sassigny a défait la formation d'André Genel de Port-Alfred. Il y avait une compétition de tir à l'arc qui se déroulait au cours du week-end. Gaston Dubois, chez les maîtres 50 ans, a remporté la victoire. Dans les maîtres 60 ans, Gilles Saint-Gelais de Saint-Félicien a terminé en 3e place. Maître femme 60 ans, Diane Saint-Gelais a gagné. Également, du côté de la cadet ouvert, Mathis Dufour de Saint-Félicien a été le meilleur avec un pointage de 408. Et du côté maintenant de la catégorie minime, Thomas Deschênes de Saint-Félicien a remporté la victoire avec un pointage de 274. Je vous invite à écouter la section entrevue de danslautosport.com. Hier, on a parlé avec Claude Boucher, le descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan, pour savoir comment le centre Otto Gervais s'est construit à Shawinigan. On sait que depuis la semaine passée, ça s'en parle beaucoup depuis la sortie de Gilles Courteau. Également, je me suis entretenu avec d'autres intervenants du monde du sport, entre autres Charles Tremblay de Saint-Félicien, qui a remporté le Challenge Midget avec les élites en fin de semaine. Le sport local et régional à danslautosport.com. On s'en occupe.